Sanganino. Jean Bosco, Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. 58 Burundais en situation irrégulière ont été dernièrement arrêtés à Lusaka en Zambie. Ce mercredi, l'ONG locale ONLCT Où est ton frère, militant contre le trafic humain, plaide pour l'obtention facile des documents nécessaires auprès des ambassades et consulats si le gouvernement burundais s'y met. Les écoliers élèves de certaines localités de la province scolaire de Rumonge alternent les apprentissages. La stratégie a été adoptée pour faire face au manque de salles de classe causées par des catastrophes naturelles. Notre correspondant nous le dira. En actualité internationale, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis et signe un extraordinaire retour au pouvoir. Dans la chronique sur les messages de haine, un spécialiste en transformation des conflits nous expliquera comment les accusations gratuites peuvent provoquer des conflits. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire dans les titres. L'organisation ONLCT, Où est ton frère, militant contre le trafic humain, demande au gouvernement burundais de collaborer avec d'autres États pour que les ambassades et consulats puissent délivrer provisoirement au Burundais des documents de séjour. Dans un communiqué de ce mercredi, Prime Mbarubukeye, président de cette association, dit se référer sur des cas récents d'arrestation des étrangers à Lusaka en Zambie, dont 58 Burundais n'ayant pas de papier valide. On l'écoute. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT Où est ton frère, voudrait profiter de cette occasion pour faire un clin d'œil aux jeunes Burundais qui constituent la catégorie la plus vulnérable aux migrations irrégulières au Burundi, d'emprunter la voie officielle de la migration légale. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT Où est ton frère, voudrait demander au gouvernement de la République du Burundi, premièrement, de demander aux pays de destination des Burundais migrants de les traiter avec dignité et humanisme et non pas d'une façon déshumanisante en les emprisonnant parfois même arbitrairement, peu importe les chefs d'accusation. Deuxièmement, de faire tout ce qu'il faut pour négocier avec le gouvernement de ces pays de destination pour qu'en étroite collaboration avec les différentes ambassades du Burundi accréditées dans ces pays de destination, de délivrer aux Burundais migrants dont les papiers ont déjà expiré une attestation de reconnaissance tenant lieu de passeport ou de laisser passer temporaire leur permettant de retourner au Burundi pour ceux qui le désirent, pour le renouvellement de leurs documents de voyage ou de séjour à l'étranger. Troisièmement, de ne pas privilégier seulement le système de demande des audiences en ligne au sein du commissariat général des migrations au Burundi pour obtenir des documents de voyage, car il s'est déjà révélé que la majorité des Burundais n'ont pas accès à l'Internet. Prime Mbarubukeye, président de l'organisation ONLCT, où est ton frère? Le président du comité d'organisation de la caravane du flambeau de la paix annonce pour le 9 novembre prochain le début de la 18e édition 2024 qui suivra le nouveau découpage administratif des cinq provinces. Au cours d'une conférence de presse au palais Nari House, ingénieur Epipo de Baranyikwa a expliqué que la caravane sera une invitation à des élections apaisées, libres et transparentes. Le thème de cette 18e édition est le suivant. Burundais, votons pour des leaders qui nous guideront vers la réalisation de la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. La 18e édition du Flambeau de la Paix 2024 sera vécue comme un prélude à tout ce que nous allons vivre en 2025, une invitation et une mobilisation à des élections apaisées, libres, transparentes. Rendez-vous donc à tous ce samedi le 9 novembre 2024 au stade Runani de Buganda. La Commission électorale nationale indépendante estime que la demande de présentation des insignes des partis politiques à la CENI ne viole pas l'article 127 du Code électoral. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro ce mardi, François Bizimana, commissaire chargé de la communication et de l'éducation électorale, avance que cette disposition concerne la déclaration des candidatures et que la CENI n'a demandé que des insignes. Il le déclare après que certains responsables de partis politiques se soient plaints que cette exigence viole cette disposition et que cela risque d'entraver la formation des coalitions politiques. Suivez-le. Lisez très bien l'article, c'est dans la déclaration des candidatures. Ce n'est pas de la déclaration des insignes des partis politiques. C'est tout. Il y en a dedans, dans cette article. Justement, au moment de la présentation des candidatures, l'insigne d'un parti politique sera un des éléments du dossier. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi nous demandons aux partis politiques de se préparer dès maintenant pour qu'ils soient en ordre avec cet insigne qui sera d'ailleurs nécessaire pour la confection des bulletins de vote. Mais ça sera contenu dans le dossier de candidature le moment venu. Mais aujourd'hui, la CENI n'a jamais demandé aux partis politiques ou même aux indépendants de présenter les candidatures. Ce n'est pas encore le moment. Et au moment où la CENI va demander aux partis politiques, aux indépendants et aux coalitions des partis politiques, ce jour-là, les coalitions des partis politiques auront déjà vu le jour. Si ces coalitions existeront, ils auront déjà vu le jour. On ne va pas, au niveau de la CENI, demander à quiconque de présenter sa candidature avant la période où les partis politiques auront l'occasion de former les coalitions. On ne va pas le faire. François Bizimana, commissaire chargé de la communication et de l'éducation électorale à la CENI. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent. Les enseignements sont perturbés dans plusieurs coins de la province scolaire de Rumonge suite à la destruction des salles de classe par des catastrophes naturelles. Dans certaines écoles de la commune Muhuta, les écoliers et élèves alternent dans les salles, les uns avant et les autres après-midi. Lors d'une réunion de sécurité ce mardi à Rumonge, le gouverneur de Rumonge a ordonné aux administrateurs communaux concernés de dresser les listes y relatives pour une éventuelle plaidoirie. Jean-Pierre Misago. Aux écoles fondamentales Mubanga et Nyangushwe de la commune Muhuta, où les toitures de trois salles de classe ont été détruites à chaque école par des pluies torrentielles mêlées de vents violents, une partie des écoliers suivaient les leçons avant midi pour céder les locaux à une autre partie l'après-midi selon les niveaux. Au lycée communal Gitunda et école fondamentale de la place affectée par un glissement de terrain ayant démoli six salles de classe, le lycée communal occupe les locaux restants l'avant-midi et l'école fondamentale de la première année à la sixième année l'après-midi. Dans ces conditions, les rendements des apprenants en est affecté, déclare Scolastique Nyon Xavier, administrateur communal de Muhuta, qui demande que ce problème soit résolu dans les plus brefs délais pour l'intérêt des apprenants. Dans une réunion de sécurité de ce mardi, Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, demande à tous les administrateurs communaux concernés par ce problème d'en fournir un rapport au cabinet du gouverneur au plus tard ce vendredi pour introduire ensuite une demande d'intervention à la Commission nationale de prévention et de gestion des catastrophes. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Et les directeurs des écoles secondaires à régime d'externat en province Mngaro disent que le rendement de leurs élèves n'est pas bon dans les tests nationaux comparé à ceux qui sont dans les écoles à régime d'internat. Ils le disent après que le gouvernement compte relancer le système d'internat dans les écoles secondaires, que ce soit les parents ou que ce soit les élèves de Mngaro. Tous demandent la mise en œuvre de ce projet dans l'immédiat pour que ces élèves externes puissent avoir le même niveau que ceux évoluant dans les écoles à régime d'internat. Évariste Nzikobanyanga. Si j'étais ici, à l'internat, le temps de se reposer, il serait, et le temps d'étudier, il serait aussi. À l'internat, on a le temps bien programmé pour réviser et pour faire des autres activités. Ce sont certains des élèves étudiants dans les écoles secondaires à régime d'externat en province Mngaro. Ces élèves disent qu'ils ne réussissent pas suite aux diverses raisons, indiquent les externes du lycée Mngaro. Les problèmes qui causent souvent aux externes, c'est le temps. Nous ne pouvons pas avoir le temps pour réviser la matière comme ceux qui restent là-bas à l'interne. Ça m'est difficile parce que en rentrant à la maison, je fais un autre trajet. Mais si je restais ici, je gagnerais plus de points car j'aurais le temps de me reposer et d'étudier facilement. la pluie rend difficile les choses, car en rentrant, quand nous quittons ici à l'école à 17h, en rentrant, ça nous est difficile, car une fois qu'il pleut, ça nous est difficile de rentrer. On arrive tard à la maison. Même son de cloche avec les parents des élèves de Mngaro, ils confirment que leurs enfants évoluant dans le système d'externat ont un niveau très bas. Ils saluent cependant la politique du gouvernement de relancer le système d'internat. Ils révisent la matière pendant la nuit, mais ce n'est pas comme pour ceux qui sont à l'internat. Quand ils sont à la maison, ils peuvent s'occuper d'autres activités. Et dans ce cas, le temps d'étudier est limité. L'élève externe peut quitter la maison disant qu'il se rend à l'école et se dirige vers ailleurs. Nous saluons ce projet du gouvernement de relancer le système d'internat qui viendrait améliorer la capacité intellectuelle des élèves externes. Le directeur des écoles secondaires à régime d'externat à Mngaro et aussi évoque la réussite des élèves externes très médiocres suite aux diverses raisons. Dewo Ndabifotokobiri est directeur du lycée communal technique de Mngaro 2. Quand les élèves sont à l'externat, ils sont dérangés. Certains font des métiers qui ne leur permettent pas d'apprendre, notamment ils s'adonnent aux travaux de recherche de l'argent, notamment en pratiquant le métier de taxi moto, taxi vélo. Tout ça, c'est un handicap pour la réussite des élèves. Mais je pense que si on instaure le système d'internat, on peut avoir le temps suffisant de suivre nos élèves, de leur donner beaucoup de travaux, beaucoup d'exercices, et comme ça, ils peuvent améliorer le taux de réussite. La province de Mngaro compte 52 écoles et postes fondamentales, parmi lesquelles 6 seulement sont dotées du système d'internat. Et à ce sujet du système d'internat, l'association SOGEPAE de défense des droits des enfants salue cette politique du chef de l'État de relancer le régime d'internat dans les écoles secondaires. David Ninganza, un des responsables de la dite association, trouve que la réhabilitation des dortoirs serait l'un des travaux à faire avant la mise en œuvre de cette politique. Suivez plutôt David Ninganza. L'internat, c'est l'une des réponses au niveau de la qualité de l'éducation, parce que l'enfant externe est victime d'être exploité par l'environnement et aussi de manquer l'accompagnateur. L'internat peut renforcer et rehausser le niveau d'études des enfants. Mais là aussi, ils font des mesures d'accompagnement. Par exemple, les mesures d'accompagnement au niveau des infrastructures. Même les élèves aujourd'hui qui vivent à l'internat, ils rencontrent de sérieux problèmes parce qu'il n'y a pas de matelas. Et aussi, les subsides qu'on donne au directeur pour nourrir ses enfants ne répondent pas aux besoins au moment où les prix ont monté sur le marché. C'est la raison pour laquelle les mesures d'accompagnement sont nécessaires pour trouver une solution sage, pacifique et durable. C'était David Ninganza, un des responsables de l'association SOGEPAE de défense des droits des enfants. Et à la une de l'actualité internationale, le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris, ont annoncé ce mercredi les médias américains et signent un extraordinaire retour au pouvoir. L'ancien président de 78 ans a réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche à l'issue d'une campagne excessivement mouvementée, particulièrement agressive et indécise jusqu'à la dernière minute. Le chef de l'OTAN a félicité Trump et promet de garder l'alliance forte. Le président français Emmanuel Macron se dit prêt à travailler ensemble comme ils ont su le faire durant 4 années lors du premier mandat du républicain. Benjamin Netanyahu salue le plus grand retour de l'histoire. Et le président ukrainien Zelensky espère que Trump aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Sachez aussi que des référendums sur le droit à l'avortement étaient organisés mardi dans 10 États en parallèle du scrutin présidentiel. La candidate démocrate Kamala Harris avait fait de ce sujet l'un des axes forts de sa campagne. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse l'a emporté dans plusieurs États, dont l'Arizona, mais pas en Floride, troisième État le plus peuplé du pays, où les restrictions imposées n'ont pu être levées. Parle, rassure-moi. Certains habitants de la colline de Mwangé, en commune des provinces Rumonge, affirment avoir été injustement traités pour des crimes imputables à leur parenté ou à cause de leurs identités. De l'avis du spécialiste en transformation des conflits Chartier et Niyungeko, les leaders doivent servir d'exemple dans la lutte contre ces messages de haine, raison pour laquelle l'administration provinciale organise des réunions de sensibilisation dans ce sens. Cette chronique parlera sur moi et signée Ornella Mocho. Certains jeunes de la colline Mwangé, en commune et province Rumonge, déplorent le comportement de certaines personnes qui veulent se venger de leurs morts dans le passé, en mettant la responsabilité à la jeune génération qui n'était même pas née. Selon eux, c'est de la pure injustice. C'était dans la période de guerre. Un jour, je partais à Rumonge et puis j'ai croisé avec une personne qui a commencé à me frapper en disant « C'est vous qui avez tué les Tutsis ». Et puis, je me suis demandé, mais moi, est-ce que j'habite ici? Quand est-ce que je suis venu à Gitega pour tuer les Tutsis? Et puis d'un coup, j'ai vu un autre jeune Tutsi qui est venu et il a dit, laisse ce vieux partir. Vous comprenez, la personne m'accusait sur des faits des autres personnes. Comment est-ce que ce pays peut se développer dans de telles situations? Moi, je pense qu'on peut oublier ce qui s'est passé parce qu'il y a ceux qui n'ont même pas vu ce qui s'est passé. Le conseil du gouverneur en province Rumonge, chargé des questions juridiques, Widiman Aliban, indique que ce comportement s'est beaucoup plus observé sous le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens. Il indique que pour contrecarrer ce comportement, ils organisent des réunions de sensibilisation à l'endroit de la population. Pendant que la Commission nationale des terres et autres biens faisait son travail, il y avait des gens qui insultaient les autres, des enfants, que c'était ton père qui m'avait pris mon parcelle, que si ce n'était pas ton père, je n'aurais pas faim aujourd'hui. Et ils accusent cet enfant alors qu'il est né en 2000. Et ce dont ils l'accusent s'est passé en 1972, ce qui a été fait par les parents. Ce n'est pas leurs enfants qui doivent en subir les conséquences. Donc, nous essayons d'expliquer à la population que tout le monde devrait être sanctionné pour l'acte qu'il a commis, afin que sa progéniture ne soit pas blâmée pour ce qu'ils n'ont pas fait. Nous leur demandons de changer leur mentalité afin que nous puissions construire un nouveau Burundi. Le spécialiste en transformation des conflits, Chartier Niyungeko, explique que c'est une façon de vengeance chez les personnes qui ont subi des injustices dans le passé et il avertit que ces jeunes pourront développer des mécanismes d'autodéfense, des mécanismes tendant vers la violence. Dans la plupart des cas, vous trouverez que le gens cherche à se venger. Mais c'est toujours une mauvaise réaction parce qu'on ne peut pas se venger sur l'enfant alors que l'enfant n'a rien fait dans le passé. Ce comportement va faire qu'il y ait ce que je peux appeler communément trauma transgénérationnel. Et ce qui est malheureux, c'est que ces comportements sont toujours des comportements susceptibles de générer des cycles de violence. Les gens devraient adopter des comportements qui sont dignes parce qu'on doit changer. Il y a des choses qui doivent changer pour qu'il y ait de bonnes interactions entre les individus, entre les communautés, entre les groupes sociopolitiques. Alors, on ne peut pas toujours rejeter l'autorité des parents sur les enfants. On ne peut pas toujours globaliser les gens, dire « Oh, tel, il vient de telle communauté ». Non, si quelque chose arrive, ça n'a rien à voir avec les origines de cette personne. Ce spécialiste conseille la population de s'attaquer à la situation au lieu de connecter la situation au passé. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.